Ni Nibel, ni Vigila. Merci de rester fidèle au programme de la radio Isanganiro, votre station préférée. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. Mise en onde par Innocent Bibonimana, et voici d'abord l'essentiel. C'est ce jeudi que prête serment le président élu Evariste Ndayishimiye à Gitega, la capitale politique. Dans cette édition, on revient sur l'ambiance qui règne dans cette ville du centre du pays et sur le profil du général-major Evariste Ndayishimiye, très prochainement investi président de la République. Et nous sommes le 17 juin, date dédiée à la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. On fera le saut à Kirundo où plus de 6 millions d'arbres ont été plantés et d'autres actions menées pour lutter contre les catastrophes naturelles. Et la Banque africaine de développement déclare être optimiste sur le Burundi. C'est le contenu de son rapport sur l'Afrique sorti cette année. Dans la rubrique Parle et rassure-moi, on revient sur des discours de confusion. Voilà pour l'essentiel. Bonjour, les messages de condoléances de la part de différentes associations et organisations à la famille de feu président Pierre Nkurunziza continuent à tomber dans notre rédaction. Toutes ces organisations présentent leurs condoléances à tous les Burundais, à la famille éprouvée et au gouvernement burundais. Le moment entre que l'élément n'est pas prêt, aussitôt qu'il est prêt, on va y revenir. Et c'est ce jeudi qu'est prévue l'investiture du président de la République élu lors du scrutin du 20 mai. Général-major Evariste Ndayishimiye a représenté lors de ces élections le parti CNDD-FDD et sa victoire a été validée par la Cour constitutionnelle qui a également décidé qu'il prête serment le plus tôt possible après le décès inopiné du président burundais Pierre Nkurunziza. Mais qui est Evariste Ndayishimiye? Son profil avec Raissa Liliane Inamahoro. Evariste Ndayishimiye est natif de la province Gitega. Il est né sur la colline Musama de la zone Kabanga en commune Giheta. C'était le 5 avril 1968. Il est le fils de Michel Gahungu et Renate Katsa. Il a fait ses études primaires à l'école primaire d'application de Kibimba de 1976 à 1984. Il poursuit ses études secondaires à l'Athénée de Bujumbura de 1984 à 1990. Il part au lycée Muramvya pour faire une année d'études et obtient le diplôme des humanités. En 1991, Evariste Ndayishimiye entre à l'université du Burundi jusqu'en 1995 dans la faculté de droit. Cependant, il n'a pas pu continuer et rejoint le CNDD-FDD, alors mouvement rebelle. Il a complété ses études universitaires à l'université Sagesse d'Afrique de 2012 à 2014. Avant d'intégrer le mouvement rebelle, Evariste Ndayishimiye a été parmi les représentants de la JRR à l'Athénée de Bujumbura de 1989 à 1990. Il a presté pour le mouvement CNDD-FDD et lui a confié différentes responsabilités et devient enfin chef de sa délégation aux négociations abouties aux accords de cessez-le-feu. Après ces accords, Ndayishimiye est devenu en haut gradé de l'armée burundaise et a été le chef d'état-major de la logistique à la force de défense nationale. Puis, il est nommé ministre de l'Intérieur de 2006 à 2007. C'est lui qui a conduit la délégation gouvernementale lors des négociations de cessez-le-feu avec le mouvement Palipé Hutu FNL d'alors. En 2016, il se devait la tenue militaire pour être secrétaire général du parti CNDD-FDD, étant au grade de général-major. À côté de ses activités politiques, Evariste Ndayishimiye est amateur du sport. Il fut président du Comité national olympique du Burundi. Merci Raissa Liliane Inamahoro. Les examens de troisième trimestre prévus pour ce jeudi et vendredi à l'école fondamentale et post-fondamentale sont reportés pour lundi et mardi de la semaine prochaine dans les écoles publiques et privées de la mairie de Bujumbura. Patrice Etouabonimana, directeur provincial de l'enseignement fondamental et professionnel en mairie de Bujumbura, explique cet ajournement par plus de 300 élèves majorettes qui vont agrémenter les cérémonies d'investiture du président de la République élu Evariste Ndayishimiye. Suivez Patrice Etouabonimana. À voir que la mairie de Bujumbura compte plus de 300 majorettes qui vont participer dans la cérémonie d'investiture de son excellence le président de la République à Gitega. Voir que alors c'est plus de 300 élèves regroupés dans ce service des deux majorettes proviennent de plus de 180 écoles de la mairie de Bujumbura et que on ne peut pas aussi programmer les examens de rattrapage pour le troisième trimestre. Et alors, pour mettre dans les mêmes conditions les enfants de la mairie dans cette période des examens, on a pris cette décision de suspendre les activités pour ce jeudi, le jour et vendredi pour la préparation des examens extérieurs. À quand la reprise des examens? Les examens qui étaient prévus jeudi et vendredi vont recommencer samedi le 20, pour dire que la première proclamation aura lieu le 7 au lieu du 2 juillet. Cette décision concerne aussi les écoles privées de la mairie de Bujumbura. Cette décision concerne et les écoles privées et les écoles publiques. Voir que ces majorettes proviennent de ces écoles privées et publiques. Au privé et au public, alors les activités de ce jeudi et vendredi sont suspendues. Les examens qui étaient prévus ce jeudi vont recommencer samedi. Et la proclamation. Et la proclamation qui était prévue le 2 juillet est reportée pour mardi le 7 juillet. Tant qu'on parle de l'investiture du président de la République élu Évariste Ndayishimiye, les habitants exerçant différents métiers dans la capitale politique Gitega, dont des hôteliers, des tailleurs et des vendeurs de peinture se réjouissent de la tenue des cérémonies d'investiture du nouveau président à Gitega. Ils témoignent que cela a augmenté la clientèle. Dans la ville de Gitega, certaines places, comme les monuments des héros de l'indépendance et celui de la démocratie, ainsi que les rues, sont en train d'être repeintes. Visiblement, Arthur Kawabushi n'est pas prêt, mais le mot montre que tout à l'heure, il sera prêt. Mais le tribunal de grande instance à Bubanza a auditionné 5 enseignants, l'ex-directeur du lycée Bubanza, et 2 élèves, parmi eux, une fille qui a été retrouvée ligotée après son enlèvement, suivie d'un viol par des personnes non encore identifiées il y a de cela 2 semaines. Ce chef d'accusation n'avait pas été soulevé lors de l'instruction préliminaire. Les 2 avocats de défense se disent satisfaits du fait qu'ils ont eu le temps de plaidoirie. Le verdict est donc attendu dans 48 heures. Les parents, tout comme les élèves du lycée Bubanza dans la province Bubanza, s'inquiètent des résultats de ce troisième trimestre puisque, à la place de 5 enseignants détenus à la prison centrale de cette province, les examens sont choisis par d'autres qui n'ont pas dispensé ces cours. Certains enseignants de cette école avaient demandé que ces examens se fassent après les autres, ce qui n'a pas été le cas. Au niveau du syndicat Conapes, l'on déplore les conditions de passation de ces examens. C'est au moment où le directeur du lycée Bubanza explique qu'il n'y a aucun problème dans la passation des examens. Après une courte pause, page économie au rendez-vous. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h05 dans les cieux de la radio Isanganiro, le taux de croissance du Burundi devrait atteindre 3,7% cette année contre 4,3% en 2021 dans un rapport de la Banque africaine pour le développement BAD. Cette croissance est motivée par la hausse des exportations du café, de la production vivrière et une politique de réglementation de change. Néanmoins, la BAD souligne que l'insécurité alimentaire, le chômage et les catastrophes sont autant des facteurs défavorisants. Les détails avec Mireille Kanyak. Selon ce rapport des perspectives économiques au Burundi, des facteurs favorables et défavorables parus cette année montrent que la reprise économique en 2019 s'est confortée avec 3,4% de croissance tirée par une hausse des exportations du café, une légère augmentation des investissements publics et une production agricole particulièrement bonne au cours de l'année. Selon ce rapport, le déficit budgétaire s'est creusé, passant de 3,3% en 2018 à 4,2% en 2019, principalement en raison d'une hausse des dépenses courantes qui n'a pas été compensée par les bonnes performances en termes de recouvrement fiscal. Le financement du déficit étant basé sur un recours aux avances de la Banque centrale et une accumulation d'arriérés de paiements intérieurs. Selon toujours ce rapport, la position extérieure du Burundi demeure fragile. En 2019, poursuit-il, les réserves officielles de change ne couvraient pas un mois d'importation alors qu'elles étaient à une année en mois en 2018. Selon toujours ce rapport, près de 2 personnes sur 3 de la population burundaise vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les estimations de 2017 et le taux de chômage des jeunes étant particulièrement élevé, ce rapport parle de 65%. Parmi les facteurs favorables à cette croissance économique du Burundi cette année en 2021 figure une hausse des exportations de café, une légère augmentation des investissements publics, une croissance moyenne de 6% de la production vivrière et le maintien d'une politique monétaire prudente. Ce rapport cite également diverses initiatives en cours pour moderniser et diversifier la production agricole, la construction des centrales électriques Jiji et Murembwe, le désenclavement du pays et l'accroissement de son rôle dans le commerce régional à travers le renforcement du réseau de transport, citant entre autres la réhabilitation du port de Bujumbura et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et parmi les facteurs défavorisants de cette croissance économique, la BAD souligne la sécurité alimentaire qui demeure un défi majeur, ainsi que les indicateurs de santé qui sont faibles. Ce rapport parle également de l'incidence du paludisme et des risques de catastrophes naturelles. Merci Mireille Kanyang. Revenons sur les messages de condoléances avant de passer en page environnement. Les messages de condoléances qui proviennent de différentes associations et organisations à l'endroit de la famille présidentielle qui continue à tomber dans notre rédaction. Toutes ces organisations présentent donc leurs condoléances à tous les Burundais, à la famille éprouvée et au gouvernement burundais Jean-Marie Mayonga. Dans les messages de condoléances, l'association Niragira Community Development International dit qu'il a appris avec une grande tristesse le décès inopiné de son Excellence le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. Pour cette organisation, le Burundi vient de perdre un homme digne de son nom. Elle présente les condoléances à sa famille et de sang et à tous les Burundais. Même message de condoléances de l'école de football Didier Drogba qui annonce aussi être surpris par le décès inopiné de son Excellence le président Pierre Nkurunziza. Cette école dit qu'elle illustre et disparu, a toujours encouragé les jeunes à aimer le sport et était proche des joueurs. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM en sigle, dans leur message, dit qu'il a appris avec regret le décès inopiné de son Excellence le Président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. L'OLICOM trouve que pendant cette triste période, c'est un moment important pour tous les citoyens burundais de prise de conscience collective, envie de renforcer l'unité, la paix, le développement durable et le partage équitable du bien commun, comme le disait souvent son Excellence Pierre Nkurunziza. Et le prince Ildefonse Rugema dit qu'il a été touché par le décès de son Excellence Pierre Nkurunziza. Comme mémoire, c'est la restauration de la paix et l'honneur avoué au prince Louis Rwagasore. Et le club Étoile FC, équipe féminine de football de Kinama, dit que son Excellence Pierre Nkurunziza restera gravé dans leur mémoire, se rappelant de ses œuvres, son exemplarité et ses enseignements patriotiques et de fair play. Environnement, je vous le disais, le 17 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Plus de 6 millions d'arbres ont été plantés à partir de l'année passée dans l'optique de préserver l'environnement dans les communes de la province de Kirundo. 4 millions d'arbres sont dans les pépinières pour être plantés la saison prochaine. Comme le signale le directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, il indique également que l'eau des lacs a sensiblement augmenté sans oublier des animaux aquatiques suite aux actions menées pour la protection de l'environnement. N'est-ce pas, Aboran Safadi? Certaines communes de la province de Kiundo sont souvent frappées par la sécheresse ou la perturbation hydrique. Ce sont entre autres les communes de Busoni, Bugabira et une partie de la commune de Kirundo. Cependant, certaines initiatives ont été faites dans l'optique de lutter contre la désertification, comme le signalent certains administratifs de la commune de Busoni. En guise d'exemple, en 2012, l'administration, en collaboration avec l'ONG Worldwide, ont fait déménager plusieurs familles qui vivaient dans la réserve naturelle de Murehe en commune de Busoni pour s'installer ailleurs. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Kirundo signale que d'autres actions ont été menées pour lutter contre la désertification. Livouziman Leonidas nous fait savoir que 3 350 000 plants d'arbres ont été plantés d'octobre 2018 à janvier 2019 et 2 945 000 ont été également plantés à partir d'octobre 2019 à janvier 2020. Il signale également que plus de 4 millions de plants d'arbres sont déjà dans les pépinières pour être plantés dans cette saison prochaine. Le directeur de la BPI Kirundo, dissatisfait de la quantité de pluie tombée dans ces 2 années écoulées, résultat de la protection effective de l'environnement. Dans ce même objectif, des eucalyptus plantés dans les 50 mètres des lacs appelés zone tampo ont été déracinés, ce qui a sensiblement augmenté le niveau d'eau des lacs et les animaux aquatiques se sont multipliés comme les hippopotames dans le lac Erguerou. Quant au gouverneur de la province de Kirundo, Alain Tribert Mutabazi, il appelle la population à bien préserver l'environnement en évitant l'effet de brousse et en évitant de couper les arbres sans permission. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. Le gouvernement burundais, en collaboration avec certaines associations œuvrant dans la protection de l'environnement, ont beaucoup contribué dans la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le constat est de Jacques Nguengurutse, professeur d'université, porte-parole, secrétaire général d'Action Ceinture Verte ACVE. Jacques Nguengurutse demande à l'État de sensibiliser la population sur les méfaits des feux de brousse suivis. Comparativement aux années antérieures, on voit que le gouvernement surtout a fait des efforts, surtout l'administration territoriale, quand il y a eu les feux de brousse, se sont mobilisés pour que la population puisse venir au secours de la forêt et éteindre les feux. Ça, c'est un signe, c'est un indicateur que le gouvernement actuellement il est conscient que les feux de brousse ne sont pas bons et agit pour que cela puisse s'arrêter. On peut dire aussi qu'il y a d'autres projets qui montraient que le Burundi est en train d'agir contre la désertification. C'est le projet Eburundurambaye qui est en train de reforester le Burundi sur tout le territoire national. Le pays ne devrait pas penser uniquement aux arbres comme bois, mais aussi les arbres comme protecteurs du sol contre les érosions, les arbres comme améliorateurs du sol et donc du coup essayer d'envisager une bonne gamme d'espèces à utiliser dans ce projet pour que finalement on puisse coupler la production du bois, parce qu'on en a besoin, c'est la fresque, la seule source d'énergie au Burundi, mais aussi pouvoir restaurer les sols, protéger contre l'érosion et même produire des fruits, que ce soit sauvages ou cultivés pour le pays. Je voudrais lancer un appel à la population, mais aussi au gouvernement, donc aux acteurs étatiques. L'arbre, c'est déjà un réservoir de l'eau. Là où les feuilles d'arbres sont tombées, ça devient une couche de matelas où l'eau peut loger et être distribué au sol pendant une longue période, et cela protège contre les érosions, protège contre les inondations, à éviter le feu de brousse, parce que ça appauvrit le sol et ça appauvrit le Burundi et le Burundais. De la même perspective, je lance un appel à l'administration territoriale, l'administration du pays, pour que la population soit sensibilisée, soit informée sur les méfaits des feux de brousse, pour que finalement, à la nouvelle saison de pluie, qu'il y ait eu moins ou même pas de feux de brousse. Au niveau national, la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse sera célébrée le 26 juin courant, informe l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Je vous avais promis de revenir sur l'ambiance qui règne en province Gitega où se déroulera l'investiture du président élu Evariste Ndayishimiye. Mais désolé, on va y revenir dans nos prochaines éditions. Tout de suite, parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi, c'est ce discours de confusion qui crée généralement des malentendus et encore pire pendant la période post-électorale. Chartier Niyungeko, l'expert en résolution pacifique des conflits, précise que ce genre de discours, utilisé souvent par les acteurs politiques, peut provoquer des violences entre deux parties en conflit suite aux différentes interprétations. Ornella Mucho. Quand les acteurs politiques utilisent des discours de confusion dans la période post-électorale, cela montre qu'ils n'ont pas voulu exprimer clairement leur opinion. Chartier Niyungeko, consultant en résolution des conflits, précise que dans ce cas, chacun interprète le message à sa manière. C'est un langage qui montre que tel acteur politique, même s'il parlait comme ça, même s'il partage son message, même s'il partage son discours, on peut voir clairement qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas voulu exprimer. Selon toujours lui, ce genre de discours peut même provoquer de violence. Chartier Niyungeko donne des précisions. Son langage de confusion est un langage qui influence l'opinion publique. C'est un langage qui crée de l'instabilité psychologique, de l'instabilité au niveau des esprits, surtout de la part de l'opinion publique. C'est un langage qui peut même conduire, qui peut même entraîner des comportements de violence entre différentes composantes sociales. Pourquoi? Parce que son langage est interprété de différentes manières. Du côté de ceux qui ont gagné, il y a leur façon d'interpréter son message. Du côté de ceux qui ont perdu, il y a aussi leur façon d'interpréter son langage. Il conseille les acteurs politiques d'éviter ce genre de discours. C'est pourquoi, à ceux qui m'écoutent, je leur conseillerais de partager des discours, des messages qui montre qu'il y a des choses qui sont toujours cachées dans ce qu'ils partagent à l'opinion publique, dans ce qu'ils partagent à la population rwandaise. Il faut plutôt qu'ils utilisent un langage qui puisse même rassurer ceux qui ont fui le pays. Parce que nous savons bien que ces élections ont été organisées pendant qu'il y a des gens qui avaient été contrés à l'exil, quelles que soient les raisons. Il interpelle les intervenants dans tous les secteurs à donner les messages de réconciliation pour le maintien de la paix. Et c'est la fin de cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je vous remercie également Innocent Bibonimana qui l'a mise en onde. Bon après-midi à tous. Au revoir. Eli ni belle, ni vigira.